بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل دراستنا في سيرة أنبياء الله عز وجل، في سيرة نبي سليمان عليه السلام، في سيرة نبي الله سليمان عليه السلام، سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبعد، donc on va continuer inchallah sans plus attendre sur la suite de l'étude de l'histoire de certains prophètes et messagers mentionnés dans le Coran. Et donc dans les dernières assises, on avait mentionné, évoqué certains faits et événements de la vie du prophète Daoud, alayhi salam, avec certaines particularités, mérites et vertus dont était doté et comblé le prophète Daoud, alayhi salam. Ensuite, on avait continué cela avec l'évocation de vertus, de mérites concernant son fils, qu'Allah Jalla wa Ala avait donné à Daoud son fils Suleyman. Son fils Suleyman. Et donc c'est ce fils-là, Suleyman, car de grands spécialistes exégèses disent qu'il a eu d'autres enfants puisqu'il a eu de nombreuses femmes, mais c'est Suleyman qui a été choisi et qui a hérité, qui était l'héritier de Daoud. Et lorsqu'on parle d'héritage ici, cet héritage qui est la prophétie. Donc c'est Suleyman qui a hérité de la prophétie. Et aussi, comme on l'avait vu, que Daoud avait été comblé d'immenses bienfaits de la part de son Seigneur, et donc il avait réuni entre le pouvoir et la prophétie. De même, on a vu que Suleyman aussi, Allah Jalla wa'ala, l'a comblé de nombreux bienfaits. On va voir qu'il y a de nombreuses leçons à tirer de cette histoire. Donc on va continuer sans plus attendre. Et donc dans un autre verset, Allah nous dit dans la sourate Naml, justement, dans la sourate des fourmis, وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Et donc on a un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et furent rassemblés pour Suleyman ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux. » Et furent placés en rang, et quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures de peur que Suleyman et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds, en quelque sorte, sans s'en rendre compte. » Et là, Suleyman sourit. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيْ وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Et là, Suleyman a souri. Il souria, amusé par ses propos, et dit « Permets-moi, ô Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre, que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux », dans une traduction rapprochée de sens de ces versets. Donc, dans ces versets, premièrement, on a une information. Lorsque Allah Jalla wa Ala nous dit وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Et comme قال Ibn Kathir, et donc par rapport à ce verset en traduction où il fut rassemblé pour Suleyman ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, donc on voit qu'Allah Jalla wa Ala nous informe dans ce verset que Suleyman donc avait à son service des djinns, des hommes et des oiseaux. Donc il avait une armée de djinns, il avait une armée d'hommes, il avait une armée d'oiseaux. Et justement, en l'occurrence dans cette histoire, alors que Suleyman était arrivé à cet endroit, ils furent placés en rang quand ils arrivèrent à une vallée. Et ici, il est dit, lorsqu'ils arrivèrent à la vallée des fourmis. Et donc, lorsqu'ils arrivèrent à cette vallée, donc Suleyman était avec une armée. Et comme nous dit Ibn Kathir, dans l'explication de ces versets, يخبر الله جل وعلا عن عبده تعالى عن عبده ونبيه ابن نبي سليمان ابن داود عليهما السلام. Et donc il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset au sujet de son serviteur prophète, fils du prophète. Donc Suleyman, fils de Daoud, alayhima as-salatu was-salam, que la paix et les prières soient sur tous les deux. Annahu rakiba yawman fi jayshihi jami'un min al-jinn wal-ins yasiruna ma'a. Et donc il nous dit que dans ce verset donc, on a une information, Allah nous informe qu'un jour, Suleyman, alors, avait pris son armée était constituée donc de djinns, d'hommes et d'oiseaux. Et les oiseaux, aussi pendant ce voyage, lui faisaient de l'ombre avec leurs ailes, alors ils lui faisaient de l'ombre pour protéger Suleyman de la chaleur. De la chaleur, comme nous relate cela Ibn Kathir. Et c'est pour cela qu'Allah nous rappelle que son serviteur et prophète Suleyman est sorti un jour accompagné de son armée, djinns, d'humains et d'oiseaux, et les humains et les djinns marchaient à ses côtés donc, tandis que les oiseaux, eux, le survolaient. Et donc, ils le protégeaient de leurs ailes, de la chaleur du soleil. Et à la tête de chacune de ces trois armées, il y avait des chefs qui organisaient et assuraient la discipline. Et comme nous l'évoque Ibn Kathir dans l'explication de ce verset, dans l'exégèse du verset, et pour cela, Allah Jalla wa'ala nous dit ensuite, « Et quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Suleyman et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. » Et cette fourmi donc a mis en garde ses semblables, car Suleyman et ses armées pouvaient les écraser sans le vouloir. Et Suleyman, ce qu'il faut savoir, pourquoi il nous est dit dans le verset que « Fatabassama dhahika » من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في رحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني في رحمتك في عبادك الصالحين. Pourquoi il est rapporté dans le verset, Allah nous dit que فتبسم ضحكا, que Suleyman ensuite a souri. Il a ri. Pourquoi ? Parce que Suleyman, il comprit. Allah lui a donné cette faculté de comprendre les paroles et les conseils sages qu'adressa cette fourmi à sa communauté. Et donc, Suleyman, il sourit, puisqu'il pouvait entendre et comprendre ses paroles. Comme il nous est dit aussi qu'il comprenait, par exemple, les oiseaux. Il comprenait le langage des oiseaux. Vous avez vu, ça, c'est des bienfaits qu'Allah Jalla wa'ala avait accordé à Suleyman. Et ça, c'est quelque chose d'immense. Mais on va voir ensuite, regardez, le comportement de Suleyman et comment Suleyman agit face à ces bienfaits-là. Ces bienfaits qui sont inestimables, qui sont immenses, comme vous pouvez le comprendre. Alors ensuite, il nous est dit, cependant, il y a lieu d'affirmer, comme dit Ibn Kathir, les propos de certains ignorants. Les propos de certains ignorants qui prétendent que Suleyman, les animaux s'adressaient aux humains et que Suleyman prit d'elle l'engagement de ne plus parler aux gens. Alors il dit, de tels propos ne peuvent être que ceux de gens ignorants. Car si tel avait été le cas, Suleyman n'aurait en aucun cas mérite à connaître le langage des animaux. Et c'est pour cela qu'en vérité, comme il nous a mentionné, le mérite, parmi les mérites, et les faveurs qu'a reçues Suleyman, le fait qu'il comprenait le langage des animaux. Et donc, il comprenait. Donc cette fourmi-là, il l'a compris directement, comme il comprenait le langage des oiseaux et des animaux. Et c'est pour ça qu'Ibn Kathir fait cette annotation. Et en outre, il dit, s'ils avaient vraiment pris un engagement d'eux pour ne pas parler avec autre que lui, alors que lui comprenait leur langage, il n'y avait aucun avantage à faire valoir ce don incomparable. C'est pour cela qu'Allah dans le Coran a dit, c'est pour ça qu'il dit après Suleyman, comme Allah nous informe à son sujet, « Permets-moi Seigneur », c'est-à-dire « Inspire-moi et guide-moi ».« Inspire-moi et guide-moi ».« Permets-moi ». Qu'est-ce que va demander Suleyman à son Seigneur ?« Qala Rabbi auzi'ni ».« Auzi'ni ». Il va lui dire, afin de rendre grâce, de te remercier pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Et là, c'est l'un des grands enseignements. Alors qu'Allah nous enseigne Regardez ces bienfaits qu'il y avait Souleymane. C'est pour cela que on les a bien énumérés et on les cite pour se rendre compte de cet immense bienfait et ces faveurs dont a été comblé Souleymane, le fait qu'il comprenait le langage des animaux, le langage de la fourmi, des oiseaux, le fait que Allah lui a mis à sa disposition des djinns, des hommes. Regardez cette armée qui était à ses côtés. Allah lui a mis à disposition ses pouvoirs. Comme on avait dit dans l'assise précédente, Allah avait mis à sa disposition le vent qui soufflait par son ordre. Et s'il ordonnait au vent de souffler fort, alors le vent soufflait fort. S'il ordonnait au vent de souffler doucement, alors il soufflait doucement. Et tout cela par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez la réaction de Suleyman, alayhi salam. Suleyman dit face à tous ses bienfaits, il demande à Allah de lui permettre quelque chose. Quelle est cette chose qu'il lui demande de lui permettre afin de te rendre grâce, de te remercier? Qala Rabbi, awzi'ni. Qala Rabbi, awzi'ni. Ô Seigneur, permets-moi an ashkura ni'matak, que je remercie tous tes bienfaits. Allati an'amta 'alayya, ces bienfaits dont tu m'as comblé. Que tu as comblé moi, ainsi que ces bienfaits dont tu as comblé mes pères et mères. Donc, afin de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères. Et donc, il demande à Allah de lui permettre de le remercier. Et donc, là, on se rend compte que ça, c'est un exemple pour tous ceux qui viendront ensuite, toutes ces générations de croyants, que lorsqu'on est comblé de bienfaits, il ne faut pas oublier son Seigneur. Il ne faut pas se dire que tout ça vient de moi. Que tout ça, si je l'ai eu, c'est par rapport, c'est le fruit de mon travail seulement. Et tout ça vient de moi. Et ne pas savoir que tout cela a été décrété par Allah, c'est Allah qui octroie la subsistance. L'homme est une cause, mais c'est Allah qui a destiné, prédestiné tout cela pour lui. Et donc, Souleymane, il sait que c'est Allah qui l'a comblé de tous ses bienfaits, de ses faveurs. De ses faveurs. Et donc, regardez sa réaction. Contrairement à beaucoup de gens sur Terre, lorsqu'ils sont comblés de bienfaits, ils en oublient leur Seigneur. Pourtant, pour des bienfaits moins grand que ce dont a été comblé Souleyman. Pour peu, beaucoup de gens oublient leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et là, on a une grande leçon pour ces bienfaits immenses. Et beaucoup de gens n'ont pas atteint ces bienfaits qu'a eu Souleyman. Souleyman a été distingué. S'est distingué par rapport à ses bienfaits. Allah l'a distingué, ainsi que son père, Daoud alayhi salam. Et bien, pourtant, il demande à Allah. Et c'est ça l'affaire du croyant. Et là, c'est une grande leçon à tirer. Il demande à Allah de lui permettre de le remercier pour tous ses bienfaits. Mais pas que seulement ça. Et lui dit, et que je fasse une bonne œuvre, et que tu m'agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Et il demande en plus à Allah qu'il lui permette d'accomplir une bonne œuvre, et qu'il le compte parmi ses serviteurs vertueux. Et ça, c'est un exemple pour nous. À chaque fois qu'on est comblé de bienfaits, alors il faut remercier Allah, subhanahu wa ta'ala. Remercier Allah. Et il y a un savant qui a fait une très très belle annotation, une très belle faïda, un bon enseignement profitable, et était de dire, malgré, regardez, observez bien, malgré toute la nouvelle technologie, malgré l'avancée de la science, à notre époque, hein, malgré l'avancée de toutes les nouvelles technologies modernes, malgré toutes ces avancées, malgré ce développement, eh ben les gens ne sauraient, malgré toutes ces sciences et ce développement et cette modernité qui a évolué ces dernières années, ces derniers siècles, malgré cela, ils ne pourraient arriver à atteindre les faveurs qu'a eu Suleyman. Et on ne pourra atteindre le pouvoir qu'a eu Suleyman. Malgré l'avancée dans l'automobile, par exemple, les gens ne peuvent pas diriger le vent. Malgré les avancées qu'il y a dans d'autres secteurs, comme l'aéronautique, ils ne peuvent pas arriver à ce niveau dont était arrivé Souleymane, malgré les siècles et les siècles et les siècles d'écart qu'il y a entre notre époque et l'époque de Souleymane. Regardez cette époque, les pouvoirs qu'a eu Souleymane, il a fait des choses que nous, à notre époque, on ne peut pas. Malgré l'avancée de la technologie, on ne peut pas comprendre le langage des animaux. On ne peut pas avoir des animaux, avoir une armée, avoir des animaux à ses côtés. Il avait des djinns, les chayatines, les diables, les animaux à ses côtés. Il avait, comme on avait dit, un immense tapis, comme Ibn Kathir relate cela, en bois, où il mettait même un palais dessus, avec tout ce qu'il avait besoin comme monture. Et il parcourait des distances à une vitesse phénoménale. car il ordonnait au vent d'aller vite à la vitesse d'une tempête, et le vent ensuite allait à cette vitesse phénoménale. Aujourd'hui, des siècles et des siècles et des siècles et des générations après, malgré l'avancée technologique et la modernité qu'on vit à l'heure actuelle, il ne serait arrivé au rang et au niveau de Suleyman alayhi salam. Donc vous avez vu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui donne ce qu'il veut et tout ce qu'il veut. Et Allah est capable de tout. Est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Et bien regardez, Suleyman est arrivé à un niveau, au summum, vous avez vu, de ce qu'il a reçu comme bien, il était comblé, et malgré cela, regardez, il demande à Allah, au contraire, il demande à Allah de lui permettre de le remercier, premièrement, de lui permettre d'accomplir une bonne œuvre, deuxièmement, et de le compter parmi les serviteurs vertueux, subhanallah, avec tout ce qui lui a été donné et tous ses pouvoirs qu'il avait. Il ne s'est pas enorgueilli, il ne s'est pas enflé d'orgueil. Et ça, c'est vraiment un exemple, c'est pour ça qu'il faut méditer ces histoires pour tous les croyants. Et donc, on continue. Lorsqu'on regarde ensuite, dans le Coran, on a un autre événement, une autre histoire qui nous est racontée et relatée. Et là, à un moment donné, il est dit que Suleyman, il passa en revue les oiseaux. Et comme on a dit, les oiseaux étaient à son service. Et les oiseaux faisaient partie de son armée. Et à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Suleyman wa tafaqqada at-tayr fa qala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-gha'ibin. Fa qala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-gha'ibin. Et là, alors que Suleyman, Allah nous dit dans le Coran, il passa en revue les oiseaux et dit « Pourquoi ne vois-je pas la huppe ?» Donc parmi ces oiseaux, il y avait la huppe, une huppe, ce qu'on appelle « el-hudhud » en arabe, « el-hudhud ». Faqala Suleyman « Ma liya la ara al-hudhud amkana min al-ghaibin » Ou bien est-il parmi les absents ? Est-ce qu'il est absent ? Et là, Suleyman dit ensuite « Je le châtirai sévèrement ou je l'égorgerai ou bien elle m'apportera un argument explicite. Pourquoi est-ce que le Hudhud est absent ? Et watafaqqada at-tayr, lorsqu'il est dit en arabe tafaqqada at-tayr, qu'on traduit ensuite Suleyman a passé en revue ses oiseaux, arada ma'rifat al-mawjud minha min ghayrihi. Il est dit que donc Suleyman voulait savoir qui est-ce qui était présent. وأصل التفقد معرفة الفقد والظاهر أنه تفقد كل الطير وذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور الملك والاهتمام بالرعاية. Et c'est comme cela lorsque, par exemple, un roi est attentif, il prend soin de ses sujets, par exemple, donc là, il recherche, il est à recherche, il regarde. Il regarde qui est-ce qui est présent et absent. En l'occurrence, ici, Suleyman cherchait la huppe. Et là, Suleyman, alors lorsqu'il dit « Est-elle parmi les absents ?» Je la châtirai sévèrement. De sorte « لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا » Donc dans le verset, il est dit « لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا وَهَذَا التَّعْذِيبُ لِلتَّأْدِيبُ » Et ce châtiment-là, c'est pour l'éducation. « Mimbab التَّأْدِيب » comme ont dit certains commentateurs. « وَيَجُوز أَنْ يُبِيحَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّهُ ذَلِكَ لِمَا رَأَ فِي مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَنْفَعَةِ » Et là, des commentateurs ont dit « Il est permis qu'Allah autorise cela s'il y a une maslaha, un intérêt et un bienfait, un manfa'a dans cela. « كَمَا أَبَاحَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى ذَبْحَ الْبَهَائِمْ وَالطُّيُورِ لِلْأَكْلِ » comme Allah par exemple a permis par exemple d'immoler des bestiaux, d'immoler des bêtes, d'immoler certaines catégories d'oiseaux pour manger, pour s'alimenter, pour se nourrir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un bien en cela. Donc Allah, du fait qu'il avait mis les oiseaux à sa disposition, à son service à Suleyman, donc s'il y avait un bien en cela, Allah permet donc cela. Et donc ensuite, il nous est dit dans le verset فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ Et là, ensuite, le Houdhoud est revenu. Le Houdhoud, ou plutôt, mais elle n'était pas restée absente que peu de temps. Elle est revenue. Elle est absente que très peu de temps, comme il nous est mentionné dans le verset. Et le Houdhoud dit, j'ai appris ce que tu n'as point appris. J'ai eu un savoir, j'ai eu une information que tu n'as pas, en quelque sorte, au Suleyman. Donc lorsque le Houdhoud est revenu, elle n'était que très peu absente. Ensuite, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, comme il est dit dans le verset, donc c'est la traduction de ce passage dans le Coran, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ, يعني الهدهد, فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ, أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ بِسَبَئٍ أَوْ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ. Et là, le هدهد, il dit à Suleyman, et donc, j'ai appris ce que tu n'as point appris, et je te rapporte de Saba, de cet endroit, de Saba, une nouvelle sûre. Une nouvelle sûre. Donc là, le Houdhout, lorsqu'il est, il est revenu, il dit à Suleyman, elle dit, j'ai appris quelque chose, et j'ai une information. Et là, on voit qu'ensuite, le Houdhout va informer Suleyman au sujet de ce qu'il a vu à Saba. Ce qu'il a vu à Saba. Et c'est pour cela que Sa'di, il nous dit dans l'explication de cela, فَفِي هَذِهِ الْمُدَّةِ الْقَصِيرَةِ جَاءَ الْهُدْهُدْ بِهَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ الْعَظِيمَةِ أَخْبَرَ سُلَيْمَانَ عَنْ مُلْكِ الدِّيَارِ الْيَمَانِيَّةِ عَنْ مُلْكِ الدِّيَارِ الْيَمَانِيَّةِ وَأَنَّ مَلَكَتْهُمْ إِمْرَأَةٌ وَأَنَّهَا قَدْ أُعْطِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ الْمَلِكُ إِلَيْهِ وَأَنَّ لَهَا عَرْشًا عَظِيمًا. Et donc, en peu de temps, comme va nous l'expliquer Cheikh Saadi, en peu de temps, ce Houdhoud, alors qu'il s'est absenté un laps de temps, il a apporté des informations immenses à Suleyman. Il informe que du côté du Yémen, puisque Saba c'était du côté donc, du Yémen, qu'il a vu une femme qui régnait, une femme qui avait le pouvoir sur son peuple. Et donc, qui était une reine, qui était reine. Et donc, elle avait beaucoup de choses. Et il lui a été octroyé beaucoup de choses que les rois ont besoin, que ceux qui règnent ont besoin. Et en plus de cela, il informe Suleyman que cette reine-là, elle a un trône immense. Et qu'elle a un trône immense, comme c'est mentionné dans le verset. Alors, regardez, il dit, j'ai trouvé qu'une femme, comme il est dit dans le verset, une traduction approchée du sens du verset, j'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toutes choses elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, le diable leur a embelli leur action et les a détournés du droit chemin et ne sont pas bien guidés. Que ne se prosterne-t-il devant Allah? Que ne se prosterne-t-il devant Allah qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez? Allah, point de divinité à part lui. Le Seigneur du trône immense, Allah, Suleyman dit, nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti. Pars avec ma lettre que voici, puis lance-la à eux, ensuite tiens-toi à l'écart d'eux pour voir ce que sera leur réponse. Et donc là, à travers la traduction relative de ces versets, donc de ces versets qu'on vient de dire, là, on a une grande information de la part du Houdhoud, de cet oiseau, c'était une huppe, de cette huppe. Donc elle informe au sujet du royaume qu'avait cette reine s'appelait Bilqis. Bilqis, et donc c'était une reine qui était au Yémen. Et donc il décrit, il dit qu'elle avait un trône immense et magnifique. Et regardez cette information, et là on va voir la huppe, imaginez-vous, un oiseau. Lorsqu'il informe Suleyman de cela, de ce qu'il a vu, ensuite qu'est-ce qu'il dit parmi ces informations, une information très importante, regardez ce qu'il dit. « وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ » مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Et là, la huppe ensuite, lorsqu'elle informe au sujet de la reine, du Yémen, de Bilqis, à l'information au sujet, et de son trône, et de son royaume. Ensuite, l'information que la huppe donne directement à Suleyman, mais dit, je l'ai trouvé, elle et son peuple, se prosternant pour le soleil, en dehors d'Allah. Et là, maintenant, on va voir l'appel de Suleyman, alayhi salam. On va voir l'appel de Suleyman, alayhi salam. Donc, il dit, regardez, c'est la huppe qui fait ce constat, la chose très importante. Primordial dans cette histoire, c'est que la huppe, elle dit « Wajadtuha » yani la reine de Saba, Bilqis, « Wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lishams min dunillah » Je les ai trouvés, elle et son peuple se prosternaient pour le soleil en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Wazayyana lahum ash-shaytan wa a'malahum » Et shaytan leur a embelli leur action, fassadahum anis sabil, et donc il les a détournés du droit chemin, du droit sentier, fahum la yahtadun, ils ne sont point guidés. Regardez, ça c'est le constat, c'est le témoignage de la huppe, le témoignage de la huppe. Voilà, comme a dit le Cheikh Saadi, et Cheikh Saadi dit, wa annahum mushrikun ya'budun ash-shams, donc le peuple de Saba était des polythéistes, ils adoraient le soleil. Et donc on voit que elle-même la huppe wa ankar al-hudhud alayhim ghayat al-inkar. Et on voit que la huppe elle-même a désapprouvé cela, a désapprouvé et désavoué cela d'un désaveu immense, d'un désaveu qui était immense. Faqala al-Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala fi tafsiri faqala fa ankara wa ankara al-hudhud عليهم غاية الإنكار وهذا من الأدلة على أن الحيوانات تعرف ربها وتسبحه وتوحده وتحب المؤمنين وتدين بذلك وتبغض الكفار والمكذبين وتدين لله بذلك. Et donc là, Cheikh Saadi va nous faire une annotation qui est grande. C'est qu'il nous dit, il va nous enseigner que il faut faire une portée d'attention sur le fait que la huppe, alors, elle a vraiment désapprouvé cela, et il dit, l'information de la huppe, cela prouve, cela indique, il y a une preuve, que les animaux, ta'rif rabbaha, que les animaux connaissent leur Seigneur. Regardez, là, on a une preuve, que regardez, même les animaux connaissent leur Seigneur. Wa tusabbihu wa tuwahhidu, et que les animaux glorifient Allah, ils font le tasbih, et tuwahhidu, et ils unissent, et ils affirment l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit bien ici qu'on a une preuve, comme nous dit Cheikh Saadi, que les animaux, ils glorifient Allah. Et ils affirment l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuhibbul mu'minin. Et Cheikh Saadi continue en disant, et ils aiment les croyants. Et ça, c'est leur voix. C'est sur ça, il y a dit, tadinu bidalik. Tadinu bidalik. Et donc, وَتُبْرِدُوا الْكُفَرْ وَالْمُكَذِّبِينَ وَتَدِينُ لِلَّهِ بِذَلِكَ. Il dit pour cela, il n'aime pas الْمُكَذِّبِينَ وَالْكَفَرَ, même les animaux. Et c'est sur cela qu'ils sont. Et ça, vous avez vu, on a une information qui est immense. Ensuite, quelle fut la réaction? C'est pour ça qu'à travers ces versets, on va parler de l'appel de Suleyman. Suleyman, on a parlé de toutes ses vertus, de toutes ses faveurs, de toutes ses mérites, toutes ces faveurs dont il a été comblé de la part de son Seigneur. On a dit qu'il était reconnaissant, qu'il était soumis à Allah. Et ça fait partie des vertus de Suleyman. Et comme son père aussi était reconnaissant, c'est pour ça que dans le Coran, Allah Jalla Wala évoque au prophète, Sansam lui dit, et souviens-toi, remémore-toi, mon serviteur Daoud. Mon serviteur Daoud. Et donc, c'était vraiment des serviteurs soumis à leur seigneur Daoud et Suleyman. Et donc, on voit que l'appel à Suleyman, maintenant, sa fonction, ça sera d'appeler cette reine à l'adoration d'Allah, puisque la huppe, vous avez vu, elle lui rapporte l'information très importante. Et c'est comme si, après que la huppe a vu qu'une femme au Yémen avait un royaume, était reine, et donc dirigeait un peuple, et il décrit cela, qu'elle avait un trône qui était immense et magnifique. Et ensuite, son constat, la première chose ensuite qu'il va dire à Suleyman, mais ce qu'il a remarqué et ce qui a attiré l'attention de la huppe, c'est qu'elle se prosterne, elle et son peuple, ils se prosternent pour le soleil. Donc, ils sont polythéistes. Et il rapporte l'information à Suleyman. Quelle fut la réaction de Suleyman parmi les enseignements qu'on va tirer? Suleyman a dit, comme il est dit dans le verset, Suleyman ensuite, qala, سننظر, on va voir. أصدقت أم كنت من الكاذبين. Asadakt am kunta min al-kadhibin. On va voir. Est-ce que vraiment tu as dit la vérité ou bien tu fais partie du nombre des menteurs? Tu fais partie des menteurs. Regardez Suleyman, donc il dit à la huppe, on va voir. Walam yaqul sananzur fi amrika li'anna al-hudhud lamma sarraha bi fakhr al-ilm bi fakhr العلم في قولي أحط بما لم تحط به صرح له سليمان بقولي سننظر أصدقت أم كذبت فكان ذلك كفاء لما قال. Et donc là, lorsque Suleyman donc il la huppe lui dit, donc j'ai eu un savoir que tu n'as pas. Suleyman dit, n'a pas dit on va voir par rapport à toi, mais il a dit on va voir si tu es véridique ou non. Et donc ça, c'est l'affaire, regardez, des justes, d'un roi juste. Il n'a pas puni le Houdoud pour son absence directement. Il n'a pas puni directement, mais regardez, il va vérifier. Il va vérifier cette information. Est-ce que l'information de la huppe est vraie ou non? Et ça, c'est l'affaire des gens justes. De ne pas châtier, de ne pas juger. Mais on voit que avant d'avoir les preuves. Et donc, asadaqta am kunta min al-kadhibin. Et donc, Suleyman, c'est pour ça, il dit, nous allons voir, est-ce que tu as dit la vérité ou bien tu comptes parmi les menteurs. Dalil ana anna al-imam yajib alayhi an yaqbal 'udhr ar-ra'iyya. C'est pour ça que des savants, lorsqu'ils ont expliqué cela, ils ont dit parmi les enseignements, on voit que l'imam, ici le guide, alors celui qui a pouvoir sur ces sujets, alors il dit yajib, il est une obligation, les savants disent, qui doit accepter, vous avez vu, le udhr, les prétextes, les excuses de ra'iya, de ces sujets, avant de les châtier ou de les punir. Et donc, les anna Suleyman lam yu'aqib al-hudhud hina i'tadhara ilay. Pourquoi? Parce qu'on voit que Suleyman, comme nous disent les savants, il n'a pas puni le hudhud, la huppe, lorsqu'elle s'est excusée à lui et elle lui a fait part de ses prétextes. Et là, Suleyman ensuite dit à la huppe, idhhab bi kitabi hadha. Alors, Suleyman dit à la huppe, va avec ce livre, va avec ce message. Donc, ensuite, Suleyman va l'envoyer. Il va envoyer la huppe, comme ça nous est dit dans le verset. Comme ça nous, alors, Suleyman dit, nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti, pars avec ma lettre que voici. Puis lance-la à eux, ensuite tiens-toi à l'écart d'eux pour voir ce que sera leur réponse. Donc ensuite, on voit que Suleyman a mandaté la huppe pour envoyer un message, une lettre à cette reine. Cette reine de Saba, c'est pour ça, c'est l'histoire de la reine de Saba. L'histoire de la reine de Saba, elle est célèbre. Et là, Allah Jalla wa'ala, à travers ces versets, nous enseigne l'histoire de la reine de Saba. Donc c'est une histoire qui est merveilleuse et dont il y a de nombreux enseignements. Mais malheureusement, beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent ces histoires, ils ne s'arrêtent pas vraiment sur les enseignements importants. Ces histoires-là, elles n'ont pas été citées et mentionnées en vain. Il y a des enseignements, il y a un ilm, un savoir immense. Et nous, on essaie à travers ces minutes, puisque pour être un peu rapide, pour pas que ça soit trop long, parce que nos minutes sont comptées, on essaie d'extraire justement certains enseignements pour que cela soit profitable pour nous et qu'on tire et qu'on puisse tirer le meilleur de cela et qu'on puisse prendre les prophètes et messagers comme exemple. Alors regardez, on a une preuve aussi parmi les enseignements. Idhab bi kitabi hadha. Va avec ma lettre, ce message. Donc il va mandater, comme on l'a dit, la huppe pour transmettre un message à la reine de Saba, qui s'appelait Bilqis. Donc fi hadhil aya, les commentateurs ont dit par rapport à ce verset, on a un dalil. Dans ce verset, on a un dalil. Dalil ala irsal il kutubi ila al-mushrikin wa tablighihim ad-da'wa. Et donc maintenant, on a une preuve que les prophètes, donc vous avez vu, les prophètes, ils envoyaient des messages et ils appelaient les polythéistes, ils leur transmettaient cet appel et cette da'wa. Ils leur transmettaient la parole de vérité et les appelaient à revenir à l'adoration de leur Seigneur. Tawhidullahi azza wa jal, le même message de tous les prophètes et les messagers, appelés à l'adoration d'Allah. Pourquoi lui envoie-t-il un message? Lorsque la huppe informe Suleyman que son peuple et cette reine se prosternent pour le soleil. qu'ils adorent le soleil en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sont donc dans un égarement évident. Alors Suleyman envoie cette lettre pour les appeler justement à la droiture. Et là, on parle du message directement de Suleyman, qui en coïncidence, qui concorde avec le message de tous les prophètes avant lui, Nour, Ibrahim, Wadaoud, et tous les prophètes jusqu'au dernier des prophètes, au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Leur fonction est de rappeler les gens à l'adoration du Créateur unique, subhanahu wa ta'ala. Et donc là, cette preuve indique que les prophètes, justement, envoyaient des missives, envoyaient des messages, envoyaient des lettres aux rois de leur époque. Aux rois de leur époque. Kama katab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila Kisra wa Qaisar wa ila kulli jabbar. Comme lui le prophète, à son époque, ça nous est rapporté, qu'il a envoyé des missives et des lettres et des messages au roi de son époque, comme il a fait à Kisra, comme il a fait avec Kaysar, à César, par exemple, Kisra, le roi, par exemple, aussi, de Perse et d'autres Jabbar de son époque. Et wa qala l'imam Shawkani, justement, wa khassa al-Hudhud bi irsali bil kitab li annahu mukhbir bil qissa. ولكونه رأى منه من مخايل الفهم والعلم ما يقتضي كونه أهلا للرسالة. Et donc l'imam Shawkani fait une belle annotation. Il dit pourquoi Suleyman a mandaté le Hudhud? Parce que Suleyman aurait pu mandater un autre oiseau ou quelqu'un d'autre de son armée, mais il a mandaté le Hudhud pour envoyer cette missive, cette lettre, ce message à justement Bilqis, la reine de Saba. Donc pour envoyer ce message à Bilqis, la reine de Saba. Donc on voit que Suleyman a choisi le Hudhud pour faire, il l'a mandaté pour accomplir cette tâche. Pourquoi? Lorsqu'il vit, l'imam Shawkani il dit, lorsqu'il vit vraiment les facultés, la compréhension, le savoir qu'avait ce Hudhud, alors ça impliquait qu'il était vraiment, on va dire, la huppe était celui qui convenait justement pour cette mission. Pour cette mission. Donc Suleyman l'a chargé d'envoyer cette missive. Ensuite, c'est ce que fera la huppe. La huppe, donc ensuite, rapportera le message et la lettre de Suleyman à la reine de Saba. Et donc il lui donnera. Ensuite, Suleyman avait ordonné la huppe de se tenir à l'écart pour voir ensuite, pour observer la réponse. Quelle sera la réponse de la reine? Et ensuite, la reine, il est dit dans les versets, elle réunit ses notables. En disant, ô notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Suleyman et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Elle dit, ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi en toute soumission. Ou plutôt, la lettre disait, ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi en toute soumission. Alors ensuite, elle dit à son peuple, à ses notables, la reine Bilqis de Saba dit « Ô notable, conseillez-moi sur cette affaire, je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présent pour me conseiller. » Et alors ils lui dirent « Nous sommes forts, notre puissance est terrible, le commandement cependant t'appartient. » Donc ils s'adressent comme ça à leur reine, comme on voit à travers la lecture de ces versets. Et donc on verra la suite. On verra la suite de cette histoire. Vous verrez qu'il y a de nombreux enseignements à tirer avec la suite de cette histoire. Lorsqu'on va voir ensuite la réaction de Bilqis, la reine de Saba, qu'est-ce qu'elle va décider, elle et son peuple? Et ensuite, qu'est-ce que Suleyman fera ensuite pour les appeler justement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc là, on apprendra, on étudiera l'appel, la darwa, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est la darwa de Suleyman, alayhi salam, la darwa qu'Allah, Jalla wa Ala, leur avait commandé de faire et de transmettre aux hommes. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk, wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.